Personne, excepté ses familiers, ne soupçonnait qu'Alexis Alexandrovitch, cet homme froid et raisonnable, fut la proie d'une faiblesse en contradiction absolue avec la tendance générale de sa nature. Il ne pouvait voir pleurer un enfant ou une femme sans perdre son sang-froid. La vue de ses larmes le troublait, le bouleversait, lui ôtait l'usage de ses facultés. Ses subordonnés le savaient si bien qu'il mettait les solliciteuses en garde contre tout accès de sensibilité afin de ne pas compromettre leur affaire. « Il se fâchera et ne vous écoutera plus, » disait-il. Effectivement, le trouble que les larmes causaient à Alexis Alexandrovitch se traduisait par une colère agitée. « Oh, je ne peux rien pour vous, veuillez sortir, » disait-il généralement en pareil cas. Lorsque, en revenant des courses, Anna lui eut avoué sa liaison avec Vronsky et, se couvrant le visage de ses mains, eut éclaté en sanglots, Alexis Alexandrovitch, quelque haine qu'il éprouva pour sa femme, ne put se défendre d'un trouble profond. Pour éviter toute marque extérieure incompatible avec la situation, il chercha à s'interdire jusqu'à l'apparence de l'émotion et resta immobile, sans la regarder, avec une rigidité mortelle qui frappa vivement Anna. En approchant de la maison, il fit un grand effort pour descendre de voiture et pour quitter sa femme, avec les dehors de politesse habituels. Il lui dit quelques mots qui n'engageaient à rien, bien résolu à remettre toute espèce de décision au lendemain. Les paroles d'Anna avait confirmé ses pires soupçons, et le mal qu'elle lui avait fait et qu'aggravaient ses larmes était cruel. Cependant, resté seul en voiture, Alexis Alexandrovitch se sentit soulagé d'un grand poids. Il lui sembla qu'il était débarrassé de ses doutes, de sa jalousie, de sa pitié. Il éprouvait la même sensation qu'un homme souffrant d'un violent mal de dents auquel on vient d'arracher sa dent malade. La douleur est terrible, l'impression d'un corps énorme, plus gros que la tête qu'on enlève de la mâchoire, affreuse. Mais c'est à peine si le patient croit à son bonheur. La douleur qui a empoisonné sa vie si longtemps n'existe plus. Il peut penser, parler, s'intéresser à autre chose qu'à son mal. Alexis Alexandrovitch en était là. Il avait éprouvé une souffrance étrange, terrible, mais cela était fini. Il pourrait dorénavant avoir d'autres pensées que celles de sa femme. C'est une femme perdue, sans honneur, sans cœur, sans religion. Je l'ai toujours sentie, et c'est par pitié pour elle que j'ai cherché à me faire illusion. Et c'était sincèrement qu'il croyait avoir été perspicace. Il se remémorait divers détails du passé, jadis innocents à ses yeux, qui lui paraissaient maintenant autant de preuves à la corruption d'Anna. « J'ai commis une erreur en liant ma vie à la sienne, mais mon erreur n'a rien eu de coupable. Par conséquent, je ne dois pas être malheureux. La coupable, c'est elle. Ce qui la touche ne me concerne plus, elle n'existe plus pour moi. » Il cessait de s'intéresser au malheur qui pouvait la frapper, ainsi que son fils, pour lequel ses sentiments subissaient le même changement. L'important était de sortir de cette crise d'une façon sage, correcte, en se lavant de la boue dont elle l'éclaboussait, et sans que sa vie à lui, vie honnête, utile, active, fût entravée. « Faut-il me rendre malheureux parce qu'une femme méprisable a commis une erreur ? Je ne suis ni le premier ni le dernier dans cette situation. » Et, sans parler de l'exemple historique que la belle Hélène venait de rafraîchir récemment dans toutes les mémoires, Alexis Alexandrovitch se souvint d'une série d'épisodes contemporains où des maris de la position la plus élevée avaient eu à déplorer l'infidélité de leur femme. Darielov, Poltorbski, le prince Karibanov, drame, oui, l'honnête et excellent drame. Semenov, Tchagin, Mettons qu'on jette un ridicule injuste sur ces hommes. Quant à moi, j'avais compris que leur malheur, et les est toujours pleins. Pensez, Alexandri Alexandrovitch. C'était absolument faux. Jamais il n'avait songé à s'apitoyer sur eux, et la vue du malheur d'autrui l'avait toujours grandi dans sa propre estime. Eh bien, ce qui a frappé tant d'autres me frappe à mon tour. L'essentiel est de savoir tenir tête à la situation. Et il se rappela les diverses façons dont tous ces hommes s'étaient comportés. Darialov a pris le parti de se battre. Dans sa jeunesse, et en raison même de son tempérament craintif, Alexis Alexandrovitch avait souvent été préoccupé de la pensée du duel. Rien ne lui semblait terrible comme l'idée d'un pistolet braqué sur lui, et jamais il ne s'était servi d'aucune arme. Cette horreur instinctive lui inspira bien des réflexions. Il chercha à s'habituer à l'éventualité possible où l'obligation de risquer sa vie s'imposerait à lui. Plus tard, parvenu à une haute position sociale, ses impressions s'effacèrent. Mais l'habitude de redouter sa propre lâcheté était si forte qu'en ce moment, Alexis Alexandrovitch resta longtemps en délibération avec lui-même, envisageant la perspective d'un duel et l'examinant sous toutes ses faces, malgré la conviction intime qu'il ne se battrait en aucun cas. Mais l'état de notre société est encore si sauvage que bien les gens approuveraient un duel. Ce n'est pas comme en Angleterre. Et dans le nombre de ceux que cette solution satisferait, Alexis Alexandrovitch en connaissait à l'opinion desquels il tenait. Et à quoi cela mènerait-il? Admettons que je le provoque. Ici, il se représenta vivement la nuit qu'il passerait après la provocation, le pistolet dirigé sur lui, et il frissonnait à l'idée que jamais il ne pourrait rien supporter de pareil. Admettons donc que je le provoque, que je apprenne à tirer, que je sois là devant lui, que je presse la détente, continua-t-il en fermant les yeux, que je l'ai tué. Et il secoua la tête pour chasser cette pensée absurde. Mais quelle logique y aurait-il à tuer un homme pour établir mes relations avec une femme coupable et son fils? La question sera-t-elle résolue? Et si, ce qui est beaucoup plus vraisemblable, le blessé ou le tué, c'est moi? Moi qui n'ai rien à me reprocher et qui deviendrai la victime? Ne serait-ce pas plus illogique encore? Serait-il honnête de ma part, d'ailleurs, de le provoquer? Sûr, comme je le suis d'avance, que mes amis interviendraient pour ne pas exposer la vie d'un homme utile au pays. N'aurais-je pas l'air de vouloir attirer l'attention sur moi par une provocation qui ne pouvait mener à rien? Ce serait chercher à tromper les autres et moi-même. Personne n'attend de moi ce duel absurde. Mon seul but doit être de garder ma réputation intacte, et de ne souffrir aucune entrave à ma carrière. Le service de l'État, toujours important aux yeux d'Alexis Alexandrovitch, le devenait plus encore. Le duel écarté restait le divorce. Quelques-uns de ceux dont le souvenir l'occupait y avaient eu recours. Les cas de divorce du grand monde lui étaient bien connus, mais Alexis Alexandrovitch n'en trouva pas un seul où cette mesure eût atteint le but qu'il se proposait. Le mari, dans chacun de ces cas, avait cédé ou vendu sa femme. Et c'était la coupable, celle qui n'avait aucun droit à un second mariage, qui formait un nouveau lien. Quant au divorce légal, celui qui aurait pour sanction le châtiment de la femme infidèle, Alexis Alexandrovitch sentait qu'il ne pouvait y recourir. Les preuves grossières, brutales, exigées par la loi, seraient, dans les conditions complexes de sa vie, impossibles à fournir. Eussent-elles existé qu'il aurait pu en faire usage, ce scandale devant le faire tomber dans l'opinion publique plus bas que la coupable. Ses ennemis en profiteraient pour le calomnier et chercher à ébranler sa haute situation officielle, et son but, qui était de sortir avec le moins de troubles possible de la crise où il se trouvait, ne serait pas atteint. Le divorce, d'ailleurs, rompait définitivement toute relation avec sa femme en la laissant à son amant. Or, malgré le mépris indifférent qu'Alexis Alexandrovitch croyait éprouver pour Anna, un sentiment très vif lui restait au fond de l'âme. L'horreur de tout ce qui tendrait à la rapprocher de Vronsky, à lui rendre sa faute profitable. Cette pensée lui arracha presque un cri de douleur. Il se leva dans sa voiture, changea de place et, le visage sombre, enveloppa longuement de son plaid ses jambes frileuses. Oh, on pouvait encore, continuait-il en cherchant à se calmer, imiter Kalibanov et ce bon drame, c'est-à-dire se séparer. Mais cette mesure avait presque les mêmes inconvénients que le divorce. C'était encore jeter sa femme dans les bras de Vronsky. Non, c'est impossible, impossible, se dit-il, tout en tiraillant son plaid. Je ne puis pas être malheureux. Et ils ne doivent pas être heureux. Sans se l'avouer, ce qu'il souhaitait au fond du cœur était de la voir souffrir pour cette atteinte portée au repos, à l'honneur de son mari. Après avoir passé en revue les inconvénients du duel, du divorce et de la séparation, Alexis Alexandrovitch en vint à la conviction que le seul moyen de sortir de cette impasse était de garder sa femme, en cachant son malheur au monde, d'employer tous les moyens imaginables pour rompre la liaison d'Anna et de Vronsky, et, ce qu'il ne savait pas, de punir le coupable. Je dois lui déclarer que, dans la situation faite par elle à notre famille, je juge le statu quo apparent préférable pour tous, et que je consens à le conserver sous la condition expresse qu'elle cessera toute relation avec son amant. Cette résolution prise, Alexis Alexandrovitch s'avisa d'un argument qui la sanctionnait dans son esprit. De cette façon, j'agis conformément à la loi religieuse. Je ne repousse pas la femme adultère, je lui donne le moyen de s'amender, et même, quelque pénible que ce soit pour moi, je me consacre en partie à sa réhabilitation. Karénine savait qu'il ne pourrait avoir aucune influence sur sa femme et que les essais qu'il se proposait de tenter étaient illusoires. Mais pendant les tristes heures qu'il venait de traverser, il n'avait pas songé un instant à chercher un point d'appui dans la religion, mais sitôt qu'il sentit celle-ci d'accord avec sa détermination, cette sanction lui devint un apaisement. Il fut soulagé de penser que personne n'aurait le droit de lui reprocher d'avoir, dans une crise aussi grave de sa vie, agi en opposition avec la foi dont il portait si haut le drapeau au milieu de l'indifférence générale. Il finit même, en y réfléchissant, par se dire qu'aucune raison ne s'opposait à ce que ses rapports avec sa femme restassent, à peu de choses près, ce qu'ils avaient été dans les derniers temps. Sans doute il ne pouvait plus l'estimer, mais bouleverser sa vie entière, souffrir personnellement parce qu'elle était infidèle, il n'en voyait pas le motif. Et le temps viendra, pensa-t-il, ce temps qui résout tant de difficultés, où ses rapports se rétabliront comme par le passé. Il faut qu'elle soit malheureuse, mais moi, qui ne suis pas coupable, je ne dois pas souffrir. En approchant de Pétersbourg, Alexis Alexandrovitch avait complètement arrêté la ligne de conduite qu'il devait tenir envers sa femme et même composé mentalement la lettre qu'il lui écrirait. Il jeta, en rentrant, un coup d'œil sur les papiers du ministère déposés chez le Suisse et les fit porter dans son cabinet. Qu'on détaille et qu'on ne reçoive personne, répondit-il à une question du Suisse, appuyant sur ce dernier ordre avec une espèce de satisfaction, signe évident d'une meilleure disposition d'esprit. Entré dans son cabinet, Alexis Alexandrovitch, après avoir marché de long en large pendant quelque temps, en faisant craquer les phalanges de ses doigts, s'arrêta devant son grand bureau où le valet de chambre venait d'allumer 6 bougies. Il s'assit, toucha successivement aux divers objets placés devant lui et, la tête penchée, un coude sur la table, se mit à écrire après une minute de réflexion. Il écrivit à Anna en français, sans s'adresser à elle par son nom, employant le mot « vous » qu'il jugea moins froid et moins solennel qu'en russe. Je vous ai exprimé à notre dernière entrevue l'intention de vous communiquer ma résolution relativement au sujet de notre conversation. Après y avoir mûrement réfléchi, je viens remplir cette promesse. Voici ma décision. Quelle que soit votre conduite, je ne me reconnais pas le droit de rompre des liens qu'une puissance suprême a consacrés. La famille ne saurait être à la merci d'un caprice, d'un acte arbitraire, voire du crime d'un des époux, et notre vie doit rester la même. Cela doit être ainsi pour moi, pour vous et pour votre fils. Je suis persuadé que vous vous êtes repenti, que vous vous repentez encore, du fait qui m'oblige à vous écrire, que vous m'aiderez à détruire dans sa racine la cause de notre dissentiment et à oublier le passé. Dans le cas contraire, vous devez comprendre ce qui vous attend, vous et votre fils. J'espère causer avec vous à fond à notre prochaine rencontre. Comme la saison d'été touche à sa fin, vous m'obligeriez, en rentrant en ville le plus tôt possible, pas plus tard que mardi. Toutes les mesures pour le déménagement seront prises. Je vous prie de remarquer que j'attache une importance très particulière à ce que vous fassiez droit à ma demande. A. Karénine. Post-scriptum. Je dois à cette lettre l'argent dont vous pouvez avoir besoin en ce moment. Il relut sa lettre et en fut satisfait. L'idée d'envoyer de l'argent lui parut heureuse. Pas une parole dure, pas un reproche, mais aussi pas de faiblesse. L'essentiel était atteint, il lui faisait un pont d'or pour revenir sur ses pas. Il plia la lettre, passa dessus un grand couteau à papier en ivoire massif, la mit sous enveloppe ainsi que l'argent, et sonna avec la petite sensation de bien-être que lui causait toujours l'ordonnance parfaite de son installation de bureau. « Tu remettras cette lettre au courrier pour qu'il la porte demain à Anna Arkadievna, » dit-il au domestique en se levant. « J'entends, votre Excellence. Faudra-t-il apporter le thé ici ?» Alexis Alexandrovitch fit servir du thé, puis en jouant avec son coupe-papier, s'approcha du fauteuil près duquel une table portait la lampe et un livre français commençait. Le portrait d'Anna, œuvre remarquable d'un peintre célèbre, était suspendu dans un cadre ovale au-dessus de ce fauteuil. Alexis Alexandrovitch lui jeta un regard. Deux yeux impénétrables lui rendirent ce regard ironiquement, presque insolemment. Tout lui parut impertinent dans ce beau portrait, depuis la dentelle encadrant la tête et les cheveux noirs, jusqu'à la main blanche et admirablement faite, couverte de bagues. Après avoir considéré cette image pendant quelques minutes, il frissonna, ses lèvres frémirent, et il se détourna avec une exclamation de dégoût. Il s'assit et ouvrit son livre. Il essaya de lire, mais ne put retrouver l'intérêt très vif que lui avait inspiré cet ouvrage sur la découverte d'inscriptions antiques. Ses yeux regardaient les pages, mais ses pensées étaient ailleurs. Et sa femme ne l'occupait plus. Il pensait à une complication survenue récemment dans des affaires importantes, dépendant de son service, et se sentait plus maître de cette question que jamais. Il pouvait, sans vanité, s'avouer que la conception qui avait germé dans sa pensée sur les causes de cette complication fournissait le moyen d'en résoudre toutes les difficultés. Il se voyait ainsi, à la veille, d'écraser ses ennemis, de grandir aux yeux de tous et par conséquent de rendre un service signalé à l'État. Dès que le domestique eut quitté la chambre, Alexis Alexandrovitch se leva et s'approcha de son bureau. Il prit le portefeuille qui contenait les affaires courantes, saisit un crayon et s'absorba dans la lecture des documents relatifs à la difficulté qui le préoccupait avec un imperceptible sourire de satisfaction personnelle. Le trait caractéristique d'Alexis Alexandrovitch, celui qui le distinguait spécialement et avait contribué à son succès au moins autant que sa modération, sa probité et sa confiance en lui-même et son amour-propre excessif, était un mépris absolu de la paperasserie officielle et la ferme volonté de diminuer autant que possible les écritures inutiles pour prendre les affaires corps à corps et les expédier rapidement et économiquement. Il arriva que, dans la célèbre commission du 2 juin, la question de la fertilisation du gouvernement de Saraï, qui faisait partie du service ministériel d'Alexis Alexandrovitch, fut soulevée et offrit un exemple frappant du peu de résultats obtenus par les dépenses et les correspondances officielles. Cette question datait encore du prédécesseur d'Alexis Alexandrovitch et avait effectivement coûté beaucoup d'argent en pure perte. Karénine s'en rendit compte dès son entrée au ministère et voulut prendre l'affaire en main, mais il ne se sentait pas sur un terrain assez solide au début et il s'aperçut qu'il froisserait beaucoup d'intérêt et agirait ainsi avec peu de discernement. Plus tard, au milieu de tant d'autres affaires, il oublia celle-là. La fertilisation du gouvernement de Zaraï allait son train pendant ce temps comme par le passé, c'est-à-dire par la simple force d'inertie. Beaucoup de personnes continuaient à en vivre, entre autres une famille fort honorable dont chaque fille jouait d'un instrument à cordes. Les ennemis du ministère s'emparèrent de cette affaire et la lui reprochèrent avec d'autant moins de justice qu'il s'en trouvait de semblable dans tous les ministères que personne ne songeait à soulever. Puisqu'on lui avait jeté le gant, il l'avait hardiment relevé en exigeant la nomination d'une commission extraordinaire pour examiner et contrôler les travaux de fertilisation du gouvernement de Saraï. Et, sans merci pour ces messieurs, il réclama en outre une commission extraordinaire pour étudier la question de la situation faite aux populations étrangères. Cette dernière question, également soulevée au comité du 2 juin, avait énergiquement été appuyée par Alexis Alexandrovitch, comme ne souffrant aucun délai à cause de la situation déplorable faite à cette partie de la population. Les discussions les plus vives entre ministères s'ensuivirent. Le ministère hostile à Alexis Alexandrovitch prouva que la position des étrangers était florissante, qui touchait serait nuire à leur prospérité, et que, si quelques faits regrettables y pouvaient être constatés, on devait s'en prendre uniquement à la négligence avec laquelle le ministère d'Alexis Alexandrovitch faisait observer les lois. Pour se venger, celui-ci comptait exiger, premièrement, la formation d'une commission à laquelle serait confié le soin d'étudier sur place la situation des populations étrangères. Deuxièmement, dans le cas où cette situation serait-elle que les données officielles la représentaient, d'instituer une nouvelle commission scientifique pour rechercher les causes de ce triste état de choses au point de vue petit a politique, petit b administratif, petit c économique, petit d ethnographique, petit e matériel, petit f religieux. Troisièmement, que le ministère fût requis de fournir des renseignements sur les mesures prises pendant les dernières années pour éviter les conditions déplorables imposées aux étrangers et de donner des éclaircissements sur le fait d'avoir agi en contradiction absolue avec la loi organique et fondamentale 2, page 18, avec remarque à l'article 36, ainsi que le prouvait un acte du comité sous les numéros 17015 et 18398 du 5 décembre 1863 et du 7 juin 1864. Le visage d'Alexis Alexandrovitch se colora d'une vive rougeur en écrivant rapidement quelques notes pour son usage particulier. Après avoir couvert toute une page de son écriture, il sonna et fit porter un mot au chef de la chancellerie pour lui demander quelques renseignements qui lui manquaient. Puis il se leva et se reprit à marcher dans son cabinet, levant encore une fois les yeux sur le portrait avec un froncement de sourcils et un sourire de mépris. Il reprit ensuite son livre et retrouva l'intérêt qu'il y avait apporté la veille. Quand il se coucha vers 11 heures et qu'avant de s'endormir, il repassa dans sa mémoire les événements de la journée, il ne les vit plus sous le même aspect désespéré. Anna, tout en refusant d'admettre avec Vronsky que leur position fût fausse et peu honorable, ne sentait pas moins au fond du cœur combien il avait raison. Elle aurait vivement souhaité sortir de cet état déplorable, et lorsque, sous l'empire de son émotion, elle eut tout avoué à son mari en rentrant des courses, elle se sentit soulagée. Depuis le départ d'Alexis Alexandrovitch, elle se répétait sans cesse qu'au moins tout était expliqué et qu'elle n'aurait plus besoin de tromper et de mentir. Et sa situation, si elle restait mauvaise, elle n'était plus équivoque. C'était la compensation du mal que son aveu avait fait à son mari et à elle-même. Cependant, lorsque Vronsky vint la voir le même soir, elle ne lui dit rien de son aveu à son mari, rien de ce dont il aurait fallu l'avertir pour décider de l'avenir. Le lendemain matin, en s'éveillant, la première pensée qui s'offrit à elle fut le souvenir des paroles dites à son mari. Elle lui parut aussi odieuse dans leur étrange brutalité qu'elle ne put comprendre comment elle avait eu le courage de les prononcer. Qu'en résulterait-il maintenant ? Alexis Alexandrovitch était parti sans répondre. « J'ai revu Vronsky depuis et ne lui ai rien dit. Au moment où il partait, j'ai voulu le rappeler et j'y renonçais parce que j'ai pensé qu'il trouverait singulier que je n'eusse pas tout avoué dès l'abord. Mais pourquoi, voulant parler, ne l'ai-je pas fait ?» Son visage, en réponse à cette question, se couvrit d'une rougeur brûlante. Elle comprit que ce qu'il avait retenu était la honte. Et cette situation qu'elle trouvait la veille si claire lui parut plus sombre, plus inextricable que jamais. Elle eut peur du déshonneur auquel elle n'avait pas songé jusque-là. Réfléchissant aux différents partis que pouvait prendre son mari, il lui vint à l'esprit les idées les plus terribles. À chaque instant, il lui semblait voir arriver le régisseur pour la chasser de la maison, proclamer sa faute à l'univers entier. Elle se demandait où elle chercherait un refuge si on la chassait ainsi et ne trouvait pas de réponse. Vronsky, pensait-elle, ne l'aimait plus autant et commençait à se lasser. Mais comment irait-elle s'imposer à lui ? Et un sentiment amer s'éleva dans son âme contre lui. Les aveux qu'elle avait faits à son mari la poursuivaient. Il lui semblait les avoir prononcés devant tout le monde et avoir été entendu de tous. Comment regarder en face ceux avec lesquels elle vivait ? Elle ne se décidait pas à sonner sa femme de chambre, encore moins à descendre déjeuner avec son fils et sa gouvernante. La femme de chambre était venue plusieurs fois écouter à la porte, étonnée qu'on ne la sonnât pas. Elle se décida à entrer. Anna la regarda d'un air interrogateur et rougit effrayée. Annouchka s'excusa, disant qu'elle avait cru être appelée. Elle apportait une robe et un billet. Ce billet était de Betsy, qui lui écrivait que Lise Merkelhoff et la baronne Stolz, avec leurs adorateurs, se réunissaient ce jour-là chez elle pour faire une partie de croquet. « Venez les voir, écrivait-elle, quand ce ne serait que comme étude de mœurs, je vous attends. » Anna parcourut le billet et soupira profondément. « Oh, je n'ai besoin de rien, dit-elle à Annouchka, qui rangeait sa toilette. « Va, je m'habillerai tout à l'heure et descendrai. Je n'ai besoin de rien. » Annouchka sortit, mais Anna ne s'habilla pas. Assise, la tête baissée, les bras tombant le long de son corps, elle frissonnait, cherchait à faire un geste, à dire quelque chose, et retombait dans le même engourdissement. « mon Dieu !» s'écriait-elle par intervalles, sans attacher aucune signification à ces mots. L'idée de chercher un refuge dans la religion lui était aussi étrangère que d'en chercher un auprès d'Alexis Alexandrovitch, quoiqu'elle n'eût jamais douté de la foi dans laquelle on l'avait élevée. Ne savait-elle pas d'avance que la religion lui faisait d'abord un devoir de renoncer à ce qui représentait pour elle sa seule raison d'exister? Elle souffrait et s'épouvantait en outre d'un sentiment nouveau et inconnu jusqu'ici, qui lui semblait s'emparer de son être intérieur. Elle sentait double, comme parfois les yeux fatigués voient double, et ne savait plus si ce qu'elle craignait, ni ce qu'elle désirait. Était-ce le passé ou l'avenir? Mais que désirait-elle surtout? Mon Dieu, que m'arrive-t-il? Pensa-t-elle en sentant tout à coup une vive douleur aux deux tempes. Elle s'aperçut alors qu'elle avait machinalement pris ses cheveux à deux mains et qu'elle les tirait des deux côtés de sa tête. Elle sauta du lit et se mit à marcher. « Le café est servi et mademoiselle attend avec Serge, » dit Annouchka en rentrant dans la chambre. « Oh, Serge, que fait Serge ?» demanda Anna, s'animant à la pensée de son fils, dont elle se rappelait pour la première fois à l'existence. « Il s'est rendu coupable, il me semble, » dit en souriant Annouchka. « Coupable de quoi ?»« Il a pris une des pêches qui se trouvait dans le salon et l'a mangée en cachette, à ce qu'il paraît. » Le souvenir de son fils fit sortir Anna de cette impasse morale où elle était enfermée. Le rôle sincère, quoique exagéré, qu'elle s'était imposé dans les dernières années, celui d'une mère consacrée à son fils, lui revint à la mémoire et elle sentit avec bonheur qu'il lui restait après tout un point d'appui en dehors de son mari et de Vronsky. Ce point d'appui était Serge. Quelque situation qui lui fût imposée, elle ne pouvait abandonner son fils. Son mari pouvait la chasser, la couvrir de honte. Vronsky pouvait s'éloigner d'elle et reprendre sa vie indépendante. Ici, elle eut encore un sentiment d'amour proche. L'enfant ne pouvait être abandonné. Elle avait un but dans la vie. Il fallait agir, agir à tout prix, pour sauvegarder sa position par rapport à son fils, se hâter, l'emmener, et pour cela, se calmer, se délivrer de cette angoisse qui la torturait. Et la pensée d'une action, ayant l'enfant pour but, d'un départ avec lui n'importe où, l'apaisait déjà. Elle s'habilla vivement, descendit d'un pas ferme et entra dans le salon où l'attendaient, comme d'habitude pour déjeuner, Serge et sa gouvernante. Serge, vêtu de blanc, debout près d'une table, le dos voûté et la tête baissée, avait une expression d'attention concentrée qu'elle lui connaissait et qui le faisait ressembler à son père. Il arrangeait les fleurs qu'il venait d'apporter. La gouvernante avait un air sévère. En apercevant sa mère, Serge poussa, comme il le faisait souvent, un cri perçant. « Ah, maman !» Puis il s'arrêta, indécis, ne sachant s'il jetterait les fleurs pour courir à sa mère ou s'il achèverait son bouquet pour le lui offrir. La gouvernante salua et entama le récit long et circonstancié des forfaits de Serge. Anna ne l'écoutait pas. Elle se demandait s'il faudrait l'emmener dans son voyage. Non, je la laisserai, décida-t-elle. J'irai seule avec mon fils. Oui, c'est très mal, dit-elle enfin, et, prenant Serge par l'épaule, elle le regarda sans sévérité. Laissez-le-moi, dit-elle à la gouvernante étonnée, et sans quitter le bras de l'enfant troublé mais rassuré, elle l'embrassa et s'assit à la table où le café était servi. « Maman, je ne... » balbutiait Serge en cherchant à deviner à l'expression du visage de sa mère ce qu'elle dirait de l'histoire de la pêche. « Serge, » dit-elle aussitôt que la gouvernante eut quitté la chambre, « c'est mal. Mais tu ne le feras plus, n'est-ce pas, si tu m'aimes. » L'attendrissement la gagnait. « Puis-je ne pas l'aimer ?» pensait-elle, touchée du regard heureux et ému de l'enfant. « Et se peut-il qu'il se joigne à son père pour me punir, se peut-il qu'il n'ait pas pitié de moi ?» Des larmes coulaient le long de son visage. Pour les cacher, elle se leva brusquement et se sauva, presque en courant sur la terrasse. Aux pluies orageuses des derniers jours avait succédé un temps clair et froid, malgré le soleil qui brillait dans le feuillage. Le froid, joint au sentiment de terreur qui s'emparait d'elle, la fit frissonner. « Va retrouver Mariette, » dit-elle à Serge qui l'avait suivie, et elle se mit à marcher sur les nattes de paille qui recouvraient le sol de la terrasse. Elle s'arrêta et contempla un moment les cimes des trembles rendu brillant par la pluie et le soleil. Il lui sembla que le monde entier serait sans pitié pour elle, comme ce ciel froid et cette verdure. « Il ne faut pas penser, » se dit-elle, en sentant comme le matin une douloureuse scission intérieure se faire en elle. « Il faut s'en aller, mais où, quand, avec qui ?» « À Moscou, oui, par le train du soir, oui, et j'emmènerai Anouchka et Serge. Mais n'emporterons-nous que le strict nécessaire. Il faut d'abord leur écrire à tous les deux. » Et, en rentrant vivement dans le petit salon, elle s'assit à sa table pour écrire à son mari. « Après ce qui s'est passé, je ne puis vivre chez vous. Je pars et j'emmène mon fils. Je ne connais pas la loi, j'ignore par conséquent avec qui il doit rester, mais je l'emmène parce que je ne puis vivre sans lui. Soyez généreux, laissez-le-moi. » Jusque-là, elle avait écrit rapidement et naturellement, mais cet appel à une générosité qu'elle ne reconnaissait pas à Alexis Alexandrovitch et la nécessité de terminer par quelques paroles touchantes, l'arrêtèrent. « Je ne puis parler de ma faute et de mon repentir, c'est pour cela... » Elle s'arrêta encore, ne trouvant pas de mots pour exprimer sa pensée. « Oh non, se dit-elle, je ne puis rien ajouter. » Et, déchirant sa lettre, elle en écrivit une autre, d'où elle excluait tout appel à la générosité de son mari. La seconde lettre devait être pour Vronsky. « J'ai tout avoué à mon mari, écrivait-elle. Puis elle s'arrêta, incapable de continuer. C'était si brutal, si peu féminin. D'ailleurs, que puis-je lui écrire? Elle rougit encore de honte et se rappela le calme qu'il savait conserver et le sentiment de mécontentement que lui causa ce souvenir lui fit déchirer son papier en 1000 morceaux. « Mieux vaut se taire, » pensa-t-elle en fermant son buvard. Et elle monta annoncer à la gouvernante et aux domestiques qu'elle partait le soir même pour Moscou. Il fallait hâter les préparatifs de voyage. L'agitation du départ régnait dans la maison. 2 malles, un sac de nuit et un paquet de plaies étaient prêts dans l'antichambre. La voiture et 2 Ivoirchiks attendaient devant le perron. Anna avait un peu oublié son tourment dans sa hâte de partir et, debout devant la table de son petit salon, rangeait elle-même son sac de voyage lorsque Anouchka attira son attention sur un bruit de voiture qui approchait de la maison. Anna regarda par la fenêtre et vit le courrier d'Alexis Androksovitch sonnant à la porte d'entrée. « Va voir ce que c'est !» dit-elle. Et croisant ses bras sur ses genoux, elle s'assit résignée dans un fauteuil. Un domestique apporta un grand paquet dont l'adresse était de la main d'Alexis Alexandrovitch. Le courrier a l'ordre d'apporter une réponse, dit-il. C'est bien, répondit-elle. Et dès que le domestique se fut éloigné, d'une main tremblante, elle déchira l'enveloppe. Un paquet d'assignats sous bande s'en échappa, mais elle ne songeait qu'à la lettre qu'elle lut en commençant par la fin. « Toutes les mesures pour le déménagement seront prises. J'attache une importance très particulière à ce que vous fassiez droit à ma demande, lut-elle. » Et, reprenant la lettre, elle la parcourut pour la relire ensuite d'un bout à l'autre. La lecture finie, elle eut froid, et se sentit écrasée par un malheur terrible et inattendu. Le matin même, elle regrettait son aveu et aurait voulu reprendre ses paroles. Et voici qu'une lettre, les considérait comme non avenues, lui donnait ce qu'elle avait désiré, et ces quelques lignes lui semblaient pires que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Il a raison, raison, » murmura-t-elle. « Mais comment n'aurait-il pas toujours raison? N'est-il pas chrétien et magnanime? Oh, que cet homme est vil et méprisable! Et dire que personne ne le comprend, et je ne le comprendrai que moi, qui ne puis rien expliquer. Ils disent, c'est un homme religieux, moral, honnête, intelligent, mais ils ne voient pas ce que j'ai vu. Ils ne savent pas que pendant 8 ans, il a opprimé ma vie et étouffé tout ce qui palpitait en moi. A-t-il jamais pensé que j'étais une femme vivante qui avait besoin d'aimer? Personne ne sait qu'il m'insultait à chaque pas et qu'il n'en était que plus satisfait de lui-même. Mais n'ai-je pas cherché de toutes mes forces à donner un but à mon existence? N'ai-je pas fait mon possible pour l'aimer? Et n'ayant pu réussir, n'ai-je pas cherché à me rattacher à mon fils? Mais le temps est venu où j'ai compris que je ne pouvais plus me faire d'illusions. Je vis, ce n'est pas ma faute si Dieu m'a fait ainsi. Il me faut respirer, il me faut aimer. Et maintenant, s'il me tuait, s'il le tuait, je pourrais comprendre, pardonner. Mais non, il a... Mais comment n'ai-je pas deviné ce qu'il ferait? Il devait agir selon son lâche caractère, il devait rester dans son droit, et moi, malheureuse, me perdre plus encore. Vous devez comprendre ce qui vous attend, vous et votre fils, se dit-elle en se rappelant un passage de la lettre. Mais c'est une menace de m'enlever mon fils, et leurs absurdes lois l'y autorisent sans doute. Mais ne vois-je pas pourquoi il me dit cela? Il ne croit pas à mon amour pour mon fils. Peut-être méprise-t-il ce sentiment dont il s'est toujours raillé. Mais il sait que je ne l'abandonnerai pas, parce que sans mon fils, la vie ne me serait pas supportable, même avec celui que j'aime. Et si je l'abandonnais, je tomberais au rang des femmes les plus méprisables. Il sait que jamais je n'aurai la force d'agir ainsi. Notre vie doit rester la même. Mais cette vie était un tourment jadis. Dans les derniers temps, c'était pire encore. Et que serait-ce donc maintenant? Il le sait bien. Il sait aussi que je ne saurais me repentir de respirer, d'aimer. Il sait que de tout ce qu'il exige, il ne peut résulter que fausseté et mensonge. Mais il a besoin de prolonger ma torture. Je le connais. Je sais qu'il nage dans le mensonge comme un poisson dans l'eau. Oh, je ne lui donnerai pas cette joie. Je romprai ce tissu de fausseté dont il veut m'envelopper. Advienne que pourra. Tout vaut mieux que tromper et mentir. Mais comment faire? Mon Dieu, quelle femme a jamais été aussi malheureuse que moi? Oh, je romprai tout, tout, dit-elle en s'approchant de sa table pour écrire une autre lettre. Mais, au fond de l'âme, elle sentait bien qu'elle était impuissante à rien résoudre et à sortir de la situation où elle se trouvait, quelque fausse qu'elle fût. Assise devant sa table, elle appuya, au lieu d'écrire, sa tête sur ses bras et se mit à pleurer comme pleurent les enfants, avec des sanglots qui lui soulevaient la poitrine. Elle pleurait ses rêves du matin, cette position nouvelle qu'elle avait cru éclaircie et définie. Elle savait maintenant que tout resterait comme par le passé et que tout irait même beaucoup plus mal. Elle sentait aussi que cette position dans le monde dont elle faisait bon marché il y a quelques heures lui était chère et qu'elle ne serait pas de force à l'échanger contre celle d'une femme qui aurait quitté son mari et enfant pour suivre son amant. Elle sentait qu'elle ne serait pas plus forte que les préjugés. Jamais elle ne connaîtrait l'amour dans sa liberté. Elle resterait toujours la femme coupable, constamment menacée d'être surprise, trompant son mari pour un homme dont elle ne pourrait jamais partager la vie. Tout cela, elle le savait. Mais cette destinée était si terrible qu'elle ne pouvait l'envisager ni lui prévoir un dénouement. Elle pleurait sans se retenir, comme un enfant puni. Les pas d'un domestique la firent tressaillir et, cachant son visage, elle fit semblant d'écrire. « Le courrier demande une réponse, » dit le domestique. « Une réponse? Ah oui, qui l'attende, » dit Anna. « Je sonnerai. » « Mais que puis-je écrire ? » pensa-t-elle, que décider toute seule. Mais que puis-je vouloir? Qui aimer? Et s'accrochant au premier prétexte venu pour échapper au sentiment de dualité qui l'épouvantait. Il faut que je voie Alexis, pensa-t-elle. Lui seul peut me dire ce que j'ai à faire. J'irai chez Betsy, peut-être l'y rencontrerai-je. Elle oubliait complètement que la veille au soir, ayant dit à Vronsky qu'elle n'irait pas chez la princesse Tverskoï, celui-ci avait déclaré ne pas vouloir y aller non plus. Elle s'approcha de la table et écrivit à son mari. « J'ai reçu votre lettre, Anna. » Elle sonna et remit le billet au domestique. « Nous ne partons plus, » dit-elle à Anouchka qui entrait. « Plus du tout? Non, cependant ne déballez pas avant demain et que la voiture attende. Je vais chez la princesse. »« Quelle robe faut-il préparer ? »